sire, le comte est mort. Don Diego, par son fils, a vengé son offense. Dès que j'ai su l'affront, j'ai prévu la vengeance. Et j'ai voulu, dès lors, prévenir ce malheur. Chimène, à vos genoux, apporte sa douleur. Elle vient tout en pleurs vous demander justice. Bien qu'à ses déplaisirs, mon âme compatisse. Ce que le comte a fait semble avoir mérité ce digne châtiment de sa témérité. Quelque juste pourtant que puisse être sa peine, je ne puis sans regret perdre un tel capitaine. Après un long service à mon état rendu, après son sang pour moi mille fois répandu, à quelques sentiments que son orgueil m'oblige, sa perte m'affaiblit et son trépas m'affaiblit.